Ouais, enfin, le journalisme, journalisme. On est à l'antenne! Générique! That's cool. Station, station. La station de la station. Putain, ça marche pas cette merde. J'en ai marre. Bonsoir. Je suis Roger Delisle, le pape du cool. Vous écoutez Vaticool, diffusé en direct depuis les prestigieux studios Crackroom. Sur station, station, la station, la station. Ouais. Ouais. Porte d'Aubervilliers, 75-018 Paris, jonction 18e, 19e, la station Gare des Mines entre peu à peu dans le printemps. La cathédrale est en route. Eric Steele devait en poser la première pierre. Seulement, vu la taille des pierres et l'âge avancé du Paps, on a préféré utiliser des machines. 21e siècle, tout ça. Sandra Toucourt, nouvelle régisseuse, découvre peu à peu les exigences et autres lubies des animateurs de Station Station, comme l'installation du studio dans le grenier de la grand-mère d'Aubry pour qu'il se sente dans les meilleures conditions possibles pour son émission, le disque Grenard, se rendre à la station tous les soirs aux alentours de 3h21 du matin afin d'enregistrer les épisodes de Marie la Nuit, ou les diverses requêtes que je peux parfois formuler afin d'améliorer la qualité de cette émission que vous êtes de plus en... Comment ça, je peux pas avoir un hydravion? Tu ne vois pas en quoi un hydravion peut améliorer la qualité de mon émission? Tu n'as aucune idée de l'endroit où j'ai trouvé Puzu, pas vrai? Il rentre quand d'ailleurs, il me manque. Et quelqu'un a des nouvelles du pasteur Charles? Lionel? Enzo Bodo est-il sur un point? Quoi? Non, ils sont pas morts. Cette émission, c'est comme Dallas. Tant qu'on n'a pas vu le canard, ils sont pas morts. Voici donc un épisode filler de ce shonen qui est Vaticool. Un épisode spécial avec des invités exceptionnels! Ouais! Bonjour Roger. Pendant ce temps, Sangoku passe son permis. Et à ma gauche, aventurier Gonzo et auteur de la bande dessinée Acid Man, mesdemoiselles, ah, messieurs, Michael Pecoclayen est en rémission. Ouais, bonjour à tous, très content d'être là. Et à ma droite, à côté de lui, il est aussi Gonzo, mais exprime son point de vue par la photographie. Il ne dort jamais, il parle très très vite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jacob Christ a franchi les portes de notre cathédrale. Eh oui. Jacob, plus d'entrain, s'il te plaît, merde. Un peu plus d'entrain, mais un peu plus là-dedans, mais un peu plus de vie là-dedans. Jacob qui respire la joie aujourd'hui, c'est merveilleux. Et à la régie, vous l'avez découvert lors de l'émission précédente, celle qui envoie mon équipage en vacances, la joyeuse Sandra Toucourt. Salut Sandra. Wouh. On est chaud là. On commence par un disque. Allez, on commence par un disque. On commence par quoi, Michael? Eh ben écoute, mets voir le petit morceau qui me rappelle le cinéma quand j'étais petit, Eyes Without a Face. C'est très bien ça. Yves Simon? Non. Non, pas Yves Simon, ah. C'est un peu trop triste. Eyes Without a Face. Ouais, voilà. Parmi c'est bien pour commencer ça. C'est parti. Oui, voilà. La la la la la. Bring a fall when I fait. Vaticool, épisode 11 et 12. Combien on est? Épisode 12 avec 12. Michael Pecco-Kleiner, oui. Et Jacob Christ. Oui, oui. Comment vas-tu, mon cher Roger? Bonjour, Michael. Tu t'es levé il y a pas très longtemps, là, non? Tu rigoles ou quoi? Je suis levé depuis 6h du matin, mec, sans déconner. C'est bien, ok. Bon, bah écoute, t'es bien, les bières sont là. Ah, on est content. Et Jacob est de retour. Jacob est de retour. Jacob, tu es très dur à voir à la radio, hein. Alors, on coupe toutes mes séquences, c'est pas grave. J'aimerais une présentation de mon invité de gauche, Michael, si tu peux te présenter. Oui, bah alors je m'appelle Michael Pecco-Kleiner, ou Michael Pecco-Kleiner, ça dépend des moments. Je suis journaliste presse écrite, journaliste entre parenthèses, entre guillemets, gonzo. Non mais gonzo même, tout court. Tu es complètement gonzo. Complètement gonzo, voilà, disons ça. Donc le gonzo, c'est quoi? C'est du journalisme à la première personne, c'est du journalisme ultra subjectif. Donc, qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Je regarde les bâtiments, je regarde le Saint-Maclou. Les voilà, sont censés arriver. Bah, je pense que parmi nos 3-4 auditeurs, il y a peut-être des RG, on ne sait jamais. Hein. Bisous voilà. Les RG. Oui, je suis un peu paranoïaque, tu sais. Bisous les RG, bisous les parano. Donc pour revenir sur le journalisme gonzo, c'est du journalisme à la première personne. Donc j'ai fait pas mal d'expériences, on va qualifier ces expériences-là d'un peu extrêmes, que ce soit des expériences dans les prises de drogue, dans des expériences... Festive. C'est vraiment extrême, ça. Un mot que j'aime pas trop, mais sociétal, voilà, tu vois, j'ai testé des trucs un peu... lifestyle. Un peu au marge. Ouais, lifestyle, voilà. T'es un journaliste lifestyle, bien exact. Sûr. À fond, j'adore ça. N'hésite voilà. Pas à parler vers le micro. Hein, oui, sais, est-ce sont que tu m'entends bien? Ouais, voilà, moi, je pensais que... Bon, voilà. Ouais, genre, je sais que les hélicoptères... Non, mais tu peux regarder par là pour les hélicoptères. Je regarde par là. Regarde par là. Je vois un avion passer, c'est sympa. Et c'est un bien bel avion, un modèle... Pardon, on n'est pas dans SAS. Continue. Donc, écoute, pour continuer la présentation, je bosse pour pas mal de magazines, que ce soit Trax, Technic Art, Neon, Brain, Playboy, Gonzai, récemment. Je suis très content d'être là. J'ai fait une petite bande dessinée aussi qui parle de LSD. Et on en parlera effectivement tout à l'heure. Parce que j'ai beaucoup aimé le LSD dans ma vie. Un vrai manga shonen, on peut le dire. Voilà, que je compte auto-éditer parce que toutes les maisons d'édition n'ont pas eu les couilles de sortir cette œuvre d'art exceptionnelle. Ce qui est dommage parce que c'est quand même vraiment peut-être le meilleur shonen neketsu que j'ai lu depuis Dragon Ball. Voilà, exactement. C'est au moins aussi bien. C'est au moins voilà. Aussi bien. C'est mieux que Dragon Ball en réalité. Est-ce que j'en dis, je parle un peu plus, je développe encore sur Asilman ou bien on garde ça? On développera tout à l'heure. D'accord, ok. Et à ma droite, Jacob. Ouais, Jacob. Mon compère Jacob. Il en faut plus. Oui, donc. Et parle dans le micro, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et dis bonjour à nos invités, présente-toi un peu. Bonjour. On n'entend pas Jacob. Pourquoi on n'entend pas Jacob? On n'entend pas. Je suis censuré. Vas-y. Vas-y, on t'entend. Là, vas-y. Vas-y, parle. Ouais. Et là, je parle encore. Enfin, si c'est pour raconter des trucs comme ça, c'est peut-être pas la peine. Vas-y, vas-y. Voilà, t'es bien là. Un petit problème technique, on meuble. Vas-y, mon Jacob. Voilà. Je suis Jacob. Je fais différentes choses. Je documente ma vie d'une certaine manière, et notamment au travers de la photo. Donc, mais pas seulement. Donc, souvent, on va dire que je erre. Et que tu erres. Je suis mon cheminement. Tu erres en suivant ton cheminement. Après. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Puisque... Quel est ton cheminement? Tu chemines à travers la nuit? Bah là, j'ai cheminé jusqu'ici. Voilà. Tu chemines jusqu'à la porte d'Aubervilliers pour te faire inviter dans des émissions radiophoniques de haute qualité? Oh, pour me faire inviter, non. Il a plutôt fallu me tirer jusqu'ici. Puisque attention, le tapis continue. Voilà. C'est vraiment un très bon tapis. On a traversé les usines Saint-Maclou pour venir à pied, c'était assez sympa. Ah, les belles usines Saint-Maclou qui bordent la porte d'Aubervilliers, bien sûr. C'est magnifique. C'est très beau. C'est mon paysage préféré, je crois, à Paris. Écoute, les immeubles haussmanniens, tout ça, c'est dégueulasse, on va pas se mentir. C'est pour les gens riches qui habitent là. Non, mais franchement, ce que j'aime, c'est les friches dégueulasses. Voilà, le Grand Paris, comme on dit. Le Grand Paris, bien sûr. C'est vrai que les mecs qu'on a vus en bas, ils ont l'air assez riches. Ouais, là, on a failli. Oui, parce qu'il y a un clip à leur habitation. Là, oui, effectivement, Arte est en train de tourner en dessous de nous. Voilà, donc on a un peu bousillé le clip en rentrant, on a fait de la lumière. C'est pas grave. Non, je parlais pas de ça, je parlais de la baraque, une espèce de repère. Non mais moi, ah oui, non mais honnêtement, j'avais absolument pas compris en fait. Le repère de Traquel. Il y a Arte qui tourne des trucs, tu sais, genre quoi, ils viennent filmer mon émission. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bientôt. Et en fait, non, pas bientôt. Du tout. Bientôt. Donc bientôt. On applaudit Arte. Merci Arte. Arte, c'était quand même mieux avant, hein, je tiens à le dire. Arte, c'était mieux avant. On dénonce dans cette émission. Michael Pecco-Kleiner, c'est le dernier vrai Gonzo. Ouais. Loin devant la majorité des couillons qui se présentent comme tels parce qu'ils ont vu Lazare Spano de Terry Gilliam à 15 ans et ont fait une école de communication. Michael, lui, il va sur le terrain. Les terrains, tous les terrains. Qu'il s'agisse de vivre une vie normale dans un état différent ou d'essayer le bondage avec un maître de Niemeyer, entrer dans une secte ou essayer de faire grossir ses bites. En utilisant tous les moyens possibles, Michael va sur le terrain, de préférence obscur, pour raconter ce qu'il sait. J'ai raison ou pas, non ? C'est beau, bah écoute, je suis touché. Ouais, il y a un peu de ça. Je vais te présenter un peu. Bah écoute, tu me présentes bien, surtout qu'on se connaît bien tous les deux. Bah oui. Puisque j'ai été ton stagiaire. T'as été mon stagiaire, j'ai très été bon stagiaire. Ton stagiaire par le passé. Très bon stagiaire, très belle plume. Tu devrais continuer d'écrire d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais j'écris, bordel de merde. Oui, voilà, tu sais quoi, cette émission, mine de rien. C'est vrai que j'ai très écrit tout ça. Bah c'est écrit de ouf, hein. Attends, il y a une aventure. Je veux dire, attends, tu lis un peu mes questions, ça dit parler de Acid Man. D'accord. Bon, alors si tu veux rester sur le thème Gonzo, moi j'ai réfléchi tout à l'heure en marchant, en marchant à travers les unes Saint-Matelot, pour venir sur mon tout premier Gonzo, je sais pas lequel c'était. C'était quoi justement, la première fois? J'ai réfléchi. Première fois, toute première fois. C'était pas vraiment un Gonzo, en fait, c'était un proto-Gonzo. J'avais passé une soirée chez Jean-Louis Coste, à l'époque où il habitait encore en Seine-Saint-Denis. Donc on salue Jean-Louis Coste, qui nous écoute sûrement pas, mais qui est pour moi une grande figure française de l'art. Voilà. Et on avait passé une soirée ensemble chez lui. Il habitait dans une espèce de bunker. Il avait écrit un bouquin d'ailleurs dessus. Et on était descendu dans son espèce de souterrain où il enregistre. Et j'avais amené plein d'alcool, pensant que qu'on avait passé une nuit de débauche totale. Et en fait, non, Jean-Louis Coste ne buvait pas. Donc du coup, on est resté très calmement à discuter ensemble pendant des heures. Est-ce que tu as bu l'alcool que tu avais ramené? J'ai bu un petit peu d'alcool. C'était l'époque où je buvais un peu. Maintenant, je me suis un peu calmé. Calmé de ouf, effectivement. On se voit, tu es... Voilà, je suis... Tu as le teint frais, d'ailleurs. J'ai le teint très, très frais. Tu dors la nuit, maintenant? Je dors, ouais. Ça, c'est grâce à ma femme qui m'écoute peut-être. Qui, bah voilà, ma petite Anna, je t'aime. Merci de rendre ma vie plus saine. Hein. Bisous, Anna. Voilà. et puis, non, donc voilà, c'était vraiment la première expérience Gonzo. Et puis après, ça s'est un peu enchaîné à droite, à gauche. Bah voilà, bon, bah, parmi les papiers que j'ai fait, j'ai pris du LSD pendant un mois, micro en micro-dos, j'essaie d'agrandir ma bite. J'ai infiltré des gens qui communiquent avec les esprits pour essayer de parler avec ma mère qui est malheureusement décédée. J'ai fait quoi d'autre? Je me suis attaché en Shibari. J'ai passé 4 jours avec Mundir de Koh-Lanta dans un tournoi de poker à Dublin, ça c'était assez mythique. Bisous Mundir également, si nous écoute. C'était très très sympa d'ailleurs, je tiens à dire. Et qu'est-ce qu'on a fait ensemble, c'était pas du tout. Est-ce qu'on a fait ensemble alors avec Jacob? Et c'est là où Jacob qui s'intervient. Jacob, voilà, parce que je parle que de moi, donc Jacob intervient. Non, bah je sais pas, enfin toutes ces années. Mais est-ce qu'on peut avoir plus de son sur Jacob, sérieusement? Est-ce qu'on peut avoir plus? Non, mais il est à l'envers ton micro. T'en as retourné mon micro. Ah, je suis en train de me faire retourner le micro là. Ça, c'est bien ça. T'aimes ça de faire retourner le micro, hein. Là, vas-y, si tu parles maintenant, normalement c'est meilleur. Oui. Ah, voilà. Ah. Voilà. Donc, mon ami Jacob, mon frère d'armes. Note pour la technique, mettez les micros à l'endroit, bien sûr. Attendez, parce que je savais pas pourquoi j'étais venu moi. Je vais faire une petite dédicace à ma copine Héloïse, du coup. Petit bonjour là. Hop, comme ça. Salut Héloïse. Avec son mec ce matin jusqu'à 7h. Salut. C'était vraiment bien, on pense à toi. Voilà. Est-ce que c'était une raison de faire des saluts nazis? Je ne sais pas. Non. Ah non. Voilà. Les invités sont déchaînés aujourd'hui. Exactement, la bière coule à flot. Donc Jacob, oui, bon bah Jacob, mon ami, mon camarade, avec qui on a fait beaucoup beaucoup de choses ensemble, notamment un papier qui a sorti en Gonzaï il n'y a pas longtemps. Plus qu'avec Anna en fait, non? Oui, elle t'écoute, non, sûrement pas. Allez, et voilà. Donc tout de suite, on s'est très bien entendu. Bah, Jacob, qui est un super photographe, une super personne. Donc voilà. Peut-être que je pourrais décrire Jacob, c'est un peu finalement le. Une version de toi, mais en photographie. Oula, je vois beaucoup ça. Même, je dirais une version. Il est aussi gonzo que toi, mais une version. Une version upgradée parce qu'il dort sans doute beaucoup moins que moi. Il est beaucoup plus actif que moi. Il est très très très très sincère dans tout ce qu'il fait. Voilà, il produit énormément. Donc, c'est un ami. Voilà, c'est un frangin. C'est un vrai fraté. Merci, mais je n'en voulais pas tant. Oui. Donc Jacob, tes dernières expériences photographiques, c'était quoi, dis-moi? Pourquoi en photographie, en fait? Le problème, c'est souvent je croise quelqu'un, il va me dire « oui, je connais ton travail ». Bon, moi, je le connais pas. En tout cas, voilà, je fais notamment de la photo, mais j'encourage tout le monde à faire de la photo. C'est une forme d'écriture. D'ailleurs, Mika, toi, tu fais de la photo aussi? Oui. T'en as fait? Non, mais t'en as oui, fait. Oui, à l'arrache. Ouais. Après, t'es quelqu'un qui est extrêmement doué, en tout cas pour. On est là pour se lancer des fleurs. Non, pas du tout. Moi, je vais pas. C'est une émission promo, bien sûr. On saute dessus, ça. Nous sommes sponsorisés par le Kremlin, situé aussi rue André-Antoine, 75-018. Laissons parler Jacob, s'il te plaît. Non, mais bon, tu sais, ça c'est Roger. Hein. Enfin, bon, voilà. C'est Roger. Donc, non, mais c'est vrai que, bon, toi, par exemple, tu es très doué pour retranscrire tes sensibilités par l'écrit. Bon, après, en dehors de ça, bon. Et toi, tu retranscris en dehors de ça, il y a plein de photographies. Voilà. Pas forcément, en faisant l'amour aussi. En faisant l'amour aussi. Mais... Et... En faisant l'amour avec qui? Avec ma mère aussi? Je sais pas. Comme Bester, putain, mais décidément, tout le monde est passé dessus, c'est pas possible. Ah, Bester, bah, c'était un Bester pour être là d'ailleurs, tiens, j'ai l'impression. Mais Bester était là, il y a deux émissions de ça. Deux émissions de ça. D'ailleurs, j'annonce, dans le prochain Gonzaï, je participe, c'est la première fois que je fais un reportage dans le prochain Gonzaï. Un photo-reportage par Jacob Chris dans Gonzaï. Dans le prochain Gonzaï, vraiment, et qui est très intéressant. Là, il faut. Oui, donc, là, un reportage intense. Est-ce que tu peux nous teaser un peu de quoi ça va parler? Bah justement là pour une fois c'est quelque chose que j'ai fait avec une tierce personne et voilà qui n'est pas ici et bah ça. Est-ce qu'on peut ça, citer la personne ou non c'est secret? Il non, s'appelle Goldman Sachs. Goldman Sachs, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, mais bon, enfin c'est vraiment plein d'amour. Ça dégouline d'amour même. Lisez le prochain Gonzaï, vous verrez les photos de Jacob. Dans le prochain Gonzaï, voilà. Des photographies de Jacob Christ. Et tout de suite un morceau. Oui, si on mettait The Dreams. Ça nous rappellera Pigalle, la vieille époque, Ben, tout ça. Alors... Donc The Dreams, et Aloha bon... Miami. Aloha Miami, super par morceau. The Dreams. Voilà. Yeah. La station de la station. Vaticool, épisode 12, avec Michael Pico-Kleiner et Jacob Chris. Oui. Et je... Ah, oui. On est en train de battre des records d'audience, hein, c'est ça? On bat complètement des records d'audience. Vous êtes actuellement 9 à nous écouter actuellement sur beau, ce stream. C'est beau, oui. c'est beau. Et ça, c'est beau. Et justement, puisqu'ils sont nombreux, je te propose qu'on parle de tes aventures. Eh ben écoute... Mais pas ces aventures-là. Non, il y a des aventures auxquelles je ne peux pas parler. Pas les vraies aventures de la vie réelle. J'ai un peu de promo pour un magazine que j'aime beaucoup qui s'appelle Brain, qui va sortir en version papier, et dans lequel il y aura pas mal de beaux articles, dont un article de Patrick Thévenin. Et moi, je contribue aussi à cette petite œuvre journalistique en papier, où j'ai fait une contre-histoire du papier cul, en fait. Donc je me suis aventuré dans le monde du papier cul, sur 10 000 signes quand même. Le papier cul, bien sûr, on ne parle pas de textes érotiques, mais bien de... Du papier hygiénique, ouais. Donc de papier hygiénique. Qui n'était pas un gonzo, c'est un exercice un peu différent, mais c'était très très sympa à faire. Sinon là, on a pour objectif avec Jacob, là bientôt, d'aller dans une discothèque pour handicapé mental. Et ça, c'est vraiment un beau sujet. Alors, est-ce qu'on pourrait... développer un peu plus une discothèque pour handicapé mental, c'est-à-dire enfin, eh ben, c'est en Belgique, où, c'est quand, en Belgique on s'appelle en discothèque, tu vois le beau jeu de mots. Oui. La hand discothèque. Voilà, c'est une fois par mois en Belgique. Donc tu es en train de tu vas te faire piquer ton. Mon sujet, on voilà. Est neuf. Donc mais je pense qu'on ne peut rien se faire voler, toi et moi. Voilà. Puisque... Neuf, dont sept journalistes. On volera actuellement, voilà. Me dit l'Institut de sondage Sandra Toucourt. C'est ça. En compagnie de IFOP et. Ah, ok, ouais, c'est bon. Et donc il y a ça, et je pense que ça peut être un très beau sujet. Donc c'est une fois par mois, c'est des handicapés mentaux, des handicapés moteurs qui vont à la discothèque. Hein. Mentaux, attends, est-ce qu'on sépare les salles? Est-ce qu'on fait deux salles de ambiance? Une salle handicapée mentaux, une salle handicapée moteur? Si un gonzo, on sait jamais comment ça va se passer. Ça se trouve, ça va être nul. Ça se trouve, on va se faire jeter, tout simplement. Ça se trouve, ça va très très bien se passer. On va en sortir des images et un texte ben, beau. On sait jamais dans quoi on met les pieds, tu vois. Sinon, il y a aussi, ça sera peut-être pas avec Jacob, mais j'aimerais bien qu'il vienne, c'est faire un atelier, alors c'est le jour de mon anniversaire, le 7 avril, je fais un atelier de découverte du plaisir prostatique, donc on sera plusieurs. Ah, le bon plaisir donc prostatique, ça, ça sera sans doute pour Playboy, voilà. Donc voilà les prochaines aventures à venir. Et puis le dernier papier qui était sympa, c'était, je suis resté 8 heures dans le dernier cinéma porno de Paris, donc ça c'était assez drôle. Voilà, c'était entre le PMU, la maison de retraite et la backroom, donc c'était très intéressant, voilà. Le mélange quand même tous finalement, PMU, maison de retraite, backroom. Mais ça se mélangeait bien et franchement j'ai trouvé ça très touchant. C'est voilà. L'esprit Vaticool. C'est l'esprit Vaticool et en plus c'est l'esprit, on ne sait pas où on met les pieds encore une fois, puis finalement il en sort des choses qui sont... on apprend beaucoup sur la condition humaine en fait, dans ce genre de... J'avais lu ce papier, effectivement il y a un truc très touchant en fait dans ces gens qui viennent au cinéma pour des raisons... sans doute qu'ils ont pas vraiment internet. En fait voilà c'est ça, c'est moi j'ai c'est un public assez particulier, c'est quand un même. Peu le loupen prolétariat du cul en fait, ils ont pas internet, ils ont 85 ans, ils sont déconnectés de tout ce que tu veux et c'est un peu le dernier endroit où ils peuvent avoir un peu de jouissance avant de mourir, donc c'est ça qui est beau et surtout on peut penser que nous si on vit jusqu'à 80 ans on espère on sera peut-être abonné à ce genre d'endroit dans le futur, on sait pas ce que ça ou sera on espère avoir toujours une bonne connexion internet, ce sera peut-être des X-Dolls ou des choses comme ça, je sais pas, ou des Android, voilà les X-Dolls, je tease. C'est pour ça que je trouve ça vraiment chouette d'avoir des amis comme toi. mais parce que ça amène d'autres visions, il n'y a pas qu'une forme de pensée et ça c'est intéressant. Il y avait Sarah Constantin qui avait également fait un article suite à la dernière nuit d'Emonia sous le pont Alexandre III, ouais. Où elle partageait aussi un petit peu une espèce de vision assez bucolique de tout ça. Moi je vois les choses un peu différemment, j'ai l'impression qu'au niveau des énergies et tout c'est un peu plus crade de ce que je ressens, mais c'est intéressant justement d'avoir des avis des points de vue différents. Ce qui est toujours intéressant c'est quand tu vas explorer les marches et un peu voir un peu l'or qu'il y a dans la boue, tu vois, si on veut faire un peu de la métaphore alchimique, hein. Moins de la métaphore. Mais voilà, après on a un truc en commun avec Jacob, c'est qu'on aime bien explorer les marges, donc c'est un peu un mot, les marges utilisées, sauf le week-end pour toi, hein, parce que je n'ai jamais sorti un seul week-end avec toi quand même, parce que moi je ne sors pas le week-end quand même, voilà. Donc, c'est vrai. tu sors le mardi en général, je sors le mardi ou lundi, voilà, en gros. mais ce qui est intéressant c'est là où on reconnaît finalement les gens qui aiment vraiment la nuit. Oui, alors... Les gens qui aiment vraiment la nuit, ils sortent pas le vendredi. Alors, le lundi, c'est le jour du coiffeur, en général. C'est intéressant, t'as tous les coiffeurs qui... Non, c'est le dimanche soir, le jour du coiffeur. C'est le dimanche soir. Historiquement, c'est le dimanche soir, le jour des coiffeurs. Et donc, voilà, oui, t'as les sorties du mardi, du jeudi, hein, qui sont un peu traditionnelles pour les nocturnes, les gens qui aiment la nuit. Mais non, ne sortez pas le week-end. Le week-end, c'est surfait. Enfin, le week-end, après, c'est dégueulasse. Ouais, enfin, la nuit aujourd'hui, elle est, c'est le jour. Hein. Il n'y a plus vraiment de nuit. On nous parle souvent du monde de la nuit et tout ça. Pour moi, ce sont des schémas, des images complètement ringards. Ah, je suis désolé, j'ai pas de tapis M6 Capital ou envoyé spécial pour te parler du monde de la nuit. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. Non, mais c'est vrai que ça se passe le jour maintenant. Il n'y a plus ouais. Ça se passe le jour et la nuit. Il n'y a plus de notion d'after. Le jour, le matin. Ouais. Pensez aux afters. Mais il n'y a pas d'after. Enfin, mais je reste quand même. Il y a des afters. Il y a des afters notamment à la station. Regardez. Il y a des gens qui se lèvent pour ça. Ça fait 4 jours qu'ils sont dans ce cas-là en after. Donc il n'y a plus de notion d'after. C'est la continuité, c'est la vie. Mais alors après, tu vois, la mort c'est... aussi parfois. Oui, mais alors la question après, c'est ouais. Non, mais je reste quand même attaché comme à la nuit, et même si les afters, c'est très bien. C'est cette notion de nuit et de lumière artificielle et de changement. Bah, ça, changement c'est assez animal. Et ça, justement, parce que je sais pas si tu as été rédacteur en chef du Bonbon Nuit. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ans. Oui, ouais. Est-ce que tu l'as lu dernièrement? Je l'ai pas lu dernièrement. J'ai l'impression que le nouveau rédacteur en chef du Bonbon Nuit n'aime pas la nuit. Bah écoute, je te jure, t'es genre le mec en gros fait une espèce de ah oui j'ai lu son édito, d'édito ouais. Mais en mode mais, vraiment mais, genre mais j'ai l'impression qu'il est pas mauvais hein. j'ai regardé un petit peu quand même je sais pas et dedans il y avait un autre papier genre qui disait genre les vrais tricks nanana pour je sais plus quoi genre rentrer en boîte ou une connerie comme ça. Bon, pareil le mais mec écoute, était là genre non mais en fait restez chez vous c'est le meilleur moyen nanana et là tu fais genre vous n'aimez pas la nuit en fait les gars soyons bienveillants voilà c'est rédacteur en chef c'est un boulot dur. Même si c'est pour un petit magazine comme ça qu'on trouve dans les chiottes, le Bonbon Nuit, hein, c'est ça. C'est vrai. Mais ça reste un boulot compliqué. Il faut coordonner les gens, faire un semblant de ligne éditoriale. Voilà, c'est un boulot dur. Donc donnons-lui sa chance. Ça sert à rien que tu parles là dans ce cas-là. t'es pas bon pour critiquer. Non, c'est toi, t'es vraiment quelqu'un de doux et tout, et tu préfères. Mais ouais, qui est pas bon pour critiquer. C'est vrai. Il est doux. Ou faux cul, au choix. Il est particulièrement doux. Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez ni de qui vous parlez. Voilà, absolument. Non, non, pas du tout, moi. Mais non, je connais pas du tout. Je sais pas qui je parle non plus en réalité, puisque je te dis, j'ai juste lu son édito. Mais par contre, je dis juste que là, te voir comme ça, voilà, botter en touche, et limite le défendre, alors que toi, tu te faisais pas de cadeau ou tu te fais jamais de cadeau. Moi, et bah là, tout de suite, c'est juste que t'as pas envie de. Oui, et puis surtout, c'est une belle expérience. C'était une belle expérience, mais passons aussi à d'autres magazines aussi pour lesquels. Oui, Panthéon, le Bonbon Nuit, c'est ça. Non, pas du tout. Non, c'est un magazine très intéressant, mais par exemple, Trax qui fait du très bon travail tout de suite, je trouve. Voilà, Néon, Brain, Playboy qui a fait une super couve. Enfin, une couve qui fait parler d'elle, donc qui fait un peu de buzz. Voilà. On peut parler d'Hebdo aussi, quand même, qui a quand même duré deux mois, je pense. Et je vois de la presse écrite, voilà. Non, mais que dire d'autre? Lisez des magazines. Lisez des articles intéressants, lisez, quoi. Non, par contre, par rapport à ce que tu disais juste avant, dans tous tes articles, ce qui serait intéressant, c'est quand même de les retrouver un jour. Dans un recueil, dans un livre, même peut-être retravaillé, remodelé, parce que souvent ça a été. Tu veux dire une grande compilation à la Lester Bangs, comme on avait eu chez Tristram nanana. Ah, génial là. Ah. Et bonjour à Louché, Yann qui nous écoute en direct et qui vient de m'envoyer un message. Oui, bah écoute, cette compilation d'articles peut-être un jour, mais pour l'instant c'est pas l'actualité du tout. Pour le 2. Attends, bordel de merde. C'est quoi ces bruits qui sortent de tout coup là? Tu me parles. Attends, parce qu'on on me parle là sur les réseaux, c'est n'importe quoi. Donc, lisez des magazines. Lisez des magazines, prenez de la drogue aussi, de la bonne drogue, prenez du léger. Non, du GHB, je voulais dire, en ce moment, c'est pas mal dans l'air du temps. Non, mais pas de GHB, c'est de la vraie merde, moi j'aime pas du tout ce truc-là. Prenez du GHB pour aller à la marche blanche. Là, un disque. Oui, alors un disque, mais voir de la techno, mais voir FKY, FKY. Ça, c'est les années techno, les années tribe. Voilà. Alors, qui, par contre, le morceau fait 5 minutes 17, oui, bah, on va peut-être le couper avant. Voilà, tu laisses 2-3 minutes. Mais c'est parti pour être écrit. Allez, go. Suffered one of his worst seizures. Vaticool, épisode 12 ouais. Avec Michael Picocliner et Jacob Christ. On va remettre un tapis. Allez, mets voir un petit tapis. On va remettre un tapis et c'est parti. Pour de la cinéma quand même un petit peu. À la fin. Eh bah, ben justement, tu es aussi auteur de manga. Oui, enfin. De manga. Le manga s'appelle Acid Man. Ouais. Est-ce que tu peux décrire un peu cette œuvre ? C'est une œuvre. Cette œuvre littéraire. C'est une œuvre totalement incomprise. c'est une bande dessinée en fait semi-autobiographique. C'est quand même basé sur une histoire vraie. Ouais, en fait c'est vraiment en fait c'est la puissance du LSD, la magie du LSD qui libère Acid Man de son emprise de la cocaïne en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très. Tu veux dire que tu touches un public de niche dans ce shonen ? Voilà. Parce qu'en même temps, il y a un vrai esprit shonen dans le truc. Oui. Or le côté complètement absurde en fait de l'œuvre avec notamment le grand ennemi Goldman Sachs. Voilà, qui est un croisement entre Jean-Jacques Goldman et un sexe géant. Hein, voilà. Qui est le boss de la cocaïne. Qui est le chef. Ouais, là. Qui est l'ennemi à battre. Il y a quand même un vrai esprit shonen. Quoi. C'est-à-dire qu'on voit Acid Man donc, au début, qui a ses pouvoirs d'Acid Man, certes, mais finalement, au bout du premier combat, se fait exploser par Goldman Sachs et du coup tombe en fait dans. Dans la cocaïne. Dans la cocaïne. Voilà. Et qui s'en sort finalement. Et qui s'en sort finalement en gravissant peu à peu les échelons de cette société. Voilà, qui devient journaliste putacook. Donc qui devient d'abord barman chez Zorba. Voilà, de barman au Zorba, ensuite journaliste putacook. Ensuite, journaliste putacook, effectivement, pour finalement rencontrer, et c'est là où on voit le passage autobiographique. Jean-Luc Coste. Jean-Luc Coste. Voilà, bien sûr. Qui lui présente son père, en fait, qui est Albert Hoffman. Et Albert Hoffman, qui, rappelons-le pour les plus jeunes, est celui qui a découvert le LSD. Le LSD. Voilà, c'est ça, en 1940, je ne sais plus combien, j'ai trop de mémoire. Mais en tout cas, voilà, donc ça, c'est une bande dessinée qui va être autoproduite parce que je me suis fait jeter toutes les maisons d'édition. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et je compte, alors, ça sera sorti. Si Jean-Pierre Montel nous écoute, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de caler une BD dans les sorties des émissions Fromentin ? Je compte vraiment la faire en auto-édition. Le message est passé. Je compte vraiment la faire en auto-édition parce que le but, c'est de sur les 50 exemplaires, qu'il y ait une goutte de LSD sur chaque exemplaire. Il y a une page qui est prévue pour ça. Donc ce sera vraiment l'édition Super Collector. Voilà, donc ça sortira bientôt quand j'aurai le temps. Voilà. Jacob. Qu'est-ce que un rebond sur Acid Man. Tu voulais nous parler de GHB. Bah, je me demande. Parce que mine de rien, il y a quand même de gros caméos dans cette BD. Il y a quand même mine de rien. Enfin. Bah il y a toi. Il y a Jacob. Il y a ma chérie. Enfin il y a tous les gens qui ont compté. Qui ont compté. J'ai croisé dans mon existence pour l'instant. Et voilà. Et en parlant de drogue, donc Jacob pendant ce morceau d'Efkay, voulait nous parler de GHB. Donc, non, c'est pas ça. Donc hormis le pape du coup, on t'appelle aussi le gros caméo, c'est ça ? Non. Je voulais. C'était la blague. Non, je me demandais en t'écoutant si personnellement c'est qui en parlait le plus, qui en prenait le moins. Oui, je sais pas. Bah oui, je comprends rien. Actuellement, il me semble, ouais. Eh oui. Voilà. Parce qu'il vieillit, mine de rien. Est-ce que quoi ? Il vieillit. On prend un peu des années, mais c'est Il a beau s'habiller en adolescent Internet avec sa petite casquette des Celtics, voilà, mais n'empêche c'est, que. C'est un vrai plaisir de vieillir. À vos côtés. Après, je trouve que la meilleure. Ah, et on nous dit 1938, le LSD. Ah, voilà, c'est ça. Merci, Lou Cheyenne. Merci, Lou Cheyenne. Lou Cheyenne, qui est donc notre consultante aujourd'hui. Consultante LSD, merci. On lui fait un bisou à Lou Cheyenne, d'ailleurs. Hein. Bravo ! Bravo, Lou. Enfin, en tout cas, je. Mais Jacob ne voulait pas parler de GHB. Je peux parler de plein de choses, mais bon, là, je trouve qu'on parle beaucoup de. Enfin, tu parles beaucoup de drogue, d'une manière. Comme si c'était finalement anodin. Alors que. Et je rappelle quand même que c'est dangereux. Déjà, tout n'est pas à mettre sous le même. Tout n'est pas à mettre. Je pense que. Sur tout le monde et en même temps. une prise de LSD, ça peut changer une vie. Ça peut changer un homme. Il y en a certains qui sautent du 8e étage d'un immeuble. Restent scotchés ou quoi que ce soit. Donc bon, même si on en parle avec légèreté, néanmoins c'est dangereux. Voilà. Néanmoins c'est dangereux et n'en prenez pas. Entouré dans des bons endroits. Ah, n'en prenez pas parce que on n'a pas le droit de dire qu'il faut en prendre. D'accord, donc n'en prenez pas. Mais lisez Acid Man. Moi, je ne sais pas quels sont mes droits, mais en tout cas, c'est pas parce que j'ai pas le droit que je dis ça. En tout cas, ou que j'ai pas, je m'en fous un petit peu. Non, il y a un énorme débat sur le G en ce moment là. On entend énormément de choses partout. C'est vrai. Il me semble qu'il y a une dizaine d'années ou 8-9 ans, il y avait des fléaux de GHB ou quoi que ce soit. Il y a énormément de conneries qui sont dites à ce sujet, notamment que c'est la drogue du violeur ou quoi que ce soit. Si on prend, je crois, il y a une application d'ailleurs très bien qui est faite par Technoplus, qui on peut télécharger sur Android, iPhone. Comment elle s'appelle cette application ? Bah, tu tapes Technoplus simplement. Bon, elle est éditée par Technoplus. Ouais, non, mais c'est Technoplus qui l'édite. Où tu as notamment toutes les drogues qui sont expliquées avec la posologie, en fait, un petit peu, les risques, etc. Oui. Ce que ne fournit aucun dealer, d'ailleurs, la posologie de leur truc. C'est vrai, mais grosse recrudescence de GHB tout de suite, on constate. Ouais, mais pourquoi, plus pourquoi que cette recrudescence, en fait depuis deux ans, des infos depuis deux ans, bon, enfin, moi, c'est ce qu'on en parle depuis deux ans, il y en a beaucoup dans certains milieux. Aujourd'hui, j'ai un petit peu l'impression que c'est, on focalise un petit peu là-dessus. Et puis bon, les médias aussi s'en sont emparés. Il y a certaines, je pense qu'il y a des procédures aussi qui sont faites à partir du moment où quelqu'un tombe dans un géol, donc entre guillemets un pseudo coma lié au GHB. Il y a des procédures qui sont mises en place à partir du moment où on appelle les secours. Donc c'est une mise sous coma, etc. Donc c'est tout de suite assez lourd. Attention, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut en prendre, hein, mais aujourd'hui tout le monde l'a dit, c'est de la merde ou quoi que ce soit et tout, et ça légitimerait presque plus la prise des autres drogues, ce qui est un peu étonnant. Pourquoi les gens en prennent en fait du GHB, peut-être parce que ça coûte rien, puis que finalement les gens ont besoin aussi de s'évader d'une manière ou d'une autre. Et finalement ça transforme pas un peu la teuf, justement les gens sont un peu marshmallow et peut-être que justement s'il y avait plus de réduction, enfin les personnes qui font de la réduction des risques pouvaient plus en faire, justement s'il y avait plus d'informations à ces sujets, il y aurait peut-être simplement d'autres prix. Est-ce que ça mérite un bel article, ça ? Bah, je crois qu'il y en a quelques-uns, mais ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, les articles du Parisien, les articles quelque part qui stigmatisent ou les consommateurs, donc qui les marginalisent encore plus, ou alors les lieux, que ce soit une opposition entre les lieux underground, les lieux, les clubs, la techno, etc., à mon avis, ça va plutôt être néfaste. Je pense plutôt qu'il faut mettre en avant les gens qui font de la réduction des risques depuis des années. Aller plutôt vers un certain débat de société par rapport à ça, et puis arrêter de stigmatiser, parce que finalement c'est un petit peu comme au niveau politique, quoi. On va arriver à un extrémisme et puis qui ne sait pas, on va pas du tout résoudre les problèmes de fond. Et tu veux faire un travail photographique dessus ou pas du tout, tu t'en fous La photo, je m'en fous. Tu t'en fous. Faut savoir que la photo pour Jacob est un moyen de communiquer avec les gens. La photo est effectivement un moyen de communiquer avec les gens, en fait, pour Jacob. Bah pas seulement, sinon je serais pas là. Et puis non, c'est vrai que la photo, moi je... Enfin, dans une soirée ou dans tout ce que je fais, des fois je passe, je fais des photos. Mais je passe surtout énormément de temps à discuter avec les gens, à danser, à participer, à ressentir. Ma vie, c'est ça, finalement. Qu'on écrive un bouquin de ces quatre tous les deux, quand même. Hein, je fais les photos, je fais le texte. Peut-être. T'avais pas fait un danzo dans l'au-delà ? Attends ma mort et retourne voir. Va voir les mecs qui communiquent avec les esprits. C'était une belle expérience d'ailleurs. Hein. Communiquer avec les esprits. Tu veux nous en parler un peu plus ou... Bah, c'était une expérience un peu bizarre parce que j'ai perdu ma mère il y a 8 ans et le but du papier c'était d'essayer de communiquer avec ma mère. Donc je suis resté. 2 mois quand même, une fois par semaine. Je raconte pas de conneries. Je suis resté 3 mois et c'était une fois toutes les 3 semaines. J'avais réunion dans une espèce de local, mais complètement obscur en banlieue parisienne, à côté de je sais plus comment ça s'appelait. Bon, bref, on s'en fout. Pas loin de Houille. Ouais, voilà. Bon, Houille, c'est ça, Houille. Et en fait, je suis resté en sous-marin, donc j'ai pas dit que j'étais journaliste. Et c'était très, très, très impressionnant en fait de voir tous ces gens qui croyaient qu'il y avait vraiment une vie après la mort, parce que je suis complètement athée. Et c'était des ambiances très lourdes, très, très, très émotives, très, très lourdes. Et du coup, bah, au bout de 3 mois, j'ai sauté le pas, j'ai demandé, parce qu'en plus, ils avaient fabriqué des machines pour pouvoir communiquer avec les esprits, donc c'était des espèces de Ghostbusters. Ah oui, donc il y avait vraiment un côté scientifique en fait, et geek. Ouais, un côté scientifique, en fait, plus voilà, que juste illuminé. C'est ça, mais c'était des illuminés, mais en fait, geek. C'était un mélange d'illumination ésotérique voilà, et de... C'était hyper science-fictionnel. Et technologie moderne à un âge. Ouais, je vois. C'est ça, c'était assez fou. Mais il y avait quand même cette base humaine. En fait, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort et quelles sont nos limites et quelles sont les illusions, les mythes qu'on va se créer pour combler cette espèce de vide absolu qui est l'au-delà ou bien la mort ou voilà, ces choses-là, quoi. Donc j'ai essayé de communiquer avec ma mère, ce qui n'a absolument pas marché. Mais c'était quand même c'était une expérience assez forte, voilà, c'était une expérience que je voulais faire. Et c'est surtout un questionnement par rapport à la mort, qui est un questionnement qu'on a tous, plus ou moins. Et du coup, c'est encore une fois, c'est un papier qui nous parle de notre condition humaine. C'est ça qui m'intéresse. Entre, on va dire, les gonzos un peu frivoles, un peu marrants, enfin un peu... Ça paraît toujours potache au début. Finalement, en tirant un peu la pelote, tu as toujours des questionnements qui sont un peu plus profonds, en fait, que la simple surface de... Voilà, c'est ça. Limite métaphysique hein, ou philosophique, on va appeler ça comme tu veux, tu vois. Mais, donc c'est ça qui m'intéresse en vieillissant. Finalement, des gens qui sont perdus, en fait, plus que... Perdus, on les tous un peu, si tu veux, mais c'est la faculté qu'on a à se créer des mythes ou des illusions pour combler cette espèce d'ailleurs, ou bien c'est cette peur, en fait. Tu vois, c'est la religion, elle est bâtie là-dessus. Là-dessus, les sectes sont bâties là-dessus. Tu vois, c'est arriver à créer des illusions, à faire croire aux gens que, parce que les gens ont peur de la mort, les gens ont peur d'être seuls. C'est peut-être pas parce qu'on a peur. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a énormément de dogmes, mais c'est intéressant peut-être de les déconstruire. Voilà, c'est ça, bah oui. Et en voyant les choses d'une manière positive. Ouais. Parce qu'effectivement, je pense qu'à partir du moment où on s'incarne sur cette terre ou par rapport à notre recherche, et je pense dès qu'on est enfant, on a une recherche. Et elle est belle et elle est légitime. On a une recherche, effectivement, mais il y a toujours sur le chemin de cette recherche-là des gens qui vont te manipuler. Et pourquoi et la manipulation, que ce soit des sectes, que ce soit l'amour qui peut être une manipulation, que ce soit. Il y a plein de manipulations possibles. Et le but du jeu, c'est de réussir à se désillusionner, à se libérer de ces espèces de mythes ou de dogmes qu'on te met dans la tête. J'appelle ça le nihilisme joyeux. Donc c'est un nihilisme parce qu'en fait, tu te déconstruis sans arrêt, tu déconstruis tout le temps ces espèces d'illusions que tu te contamines dans la tête, mais tu vas pas te tirer une balle en fait. Ouais, tu te libères. Ouais, c'est pas libère. C'est oui. Tu vois, c'est ça. C'est un peu ça, si tu veux, qui se retrouve. Pour devenir par soi-même plutôt que par des croyances. Voilà, après, je sais pas où ça mène, j'ai pas la réponse, tu vois, pour dire la vérité. Mais c'est un peu ça le sens de mon travail, en tout cas. On verra bien un jour. En parlant de libération. Je te propose qu'on s'écoute un autre morceau. Oui, écoute, mais voir. On est censuré, voilà, c'est comme ça, toujours. Merci. Lequel tu voudrais ? Il y a quoi, là ? Qu'est-ce que je t'ai mis ? Mais voir. Ça passe un truc là. Mais voir. Dante et Pilgrim, celui-là, j'ai bien. On va écouter Dante et Pilgrim. C'est le garçon qui peut s'arrêter de par penser. Golden Teacher. Ah, c'est bien ça. Et c'est parti. Move it! était cool. Et on arrive à la fin de cette émission. Déjà, ça passe vite, hein. Eh oui. Vous êtes content ? Bah on commençait juste à chauffer avec Jacob. Mais alors vous reviendrez ? Non, ouais. Mais on a Galop Galop après qui fait une émission sur la musique du monde. Eh oui, après on a Galop Galop qui s'appelle plus Galop Salope. Son nom, non, mais parce que je tiens à dénoncer. Je tiens à dénoncer, j'aimerais... Oui. Boucave. Non, mais, bon. Non, mais oh, qu'est-ce que c'est que ce travail ? Depuis quand est-ce qu'on écoute, genre... Ça y est, d'un coup... Des annonces ! Allez, des annonces. Enfin, on reste pour la suite avec Galop Galop. Ouais, ouais, pour la suite avec musique Galop du Galop. Monde, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marie la Nuit. Alors, on lui fait des bisous. Allez, Marie la Nuit, bon anniversaire. Super sympa, Marie la Nuit. Cette semaine, notre incroyable sponsor, le Kremlin, situé au 6 rue André-Antoine, ne m'a absolument pas informé de ce qu'on buvait. Merde. Alors, du coup, je vous propose qu'on y aille après l'émission. Mais on va aller après l'émission, exactement. Ouais. On ira au Kremlin, au 6 rue André-Antoine, 75018, Paris. Un shot gratuit. Michael, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh ben, écoutez, vous me retrouvez dans les magazines pour lesquels je travaille, et puis vous me retrouvez. Dans les afters de temps en temps, je ne sais pas où me. Déjà que je me trouve pas moi-même, donc vous me trouverez au petit le... hasard la chance quelque part. Au petit sombre. Bonheur la chance, bien voilà, sûr. Jacob, où est-ce qu'on peut toi te retrouver ? Moi, on va me retrouver. Écoute. À part dans Galop Salop, du coup. Quel jour est-il ? J'ai décidé que ça s'appellerait toujours Galop Salop. On est mercredi ? On est mercredi, ouais. On est mercredi. Demain jeudi, ouais. Ouais. Ah bah samedi soir pour la soirée PWFM avec mon ami Nicolas Armand-Terjman, qui a une émission, enfin j'ai même l'impression qu'il vit ici d'ailleurs, puisqu'il doit avoir trois émissions par semaine. Mais oui, tout à fait, là tu le vois, là il est derrière ce mur. Je pense, et donc avec qui nous étions à Rennes justement la semaine dernière, et là donc nous sommes, j'expose notamment, on va sortir des installations, et puis il va jouer un petit live sympathique au 142 rue Montmartre samedi soir, le 31. Au 142 rue Montmartre, le 31. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Le 31 qui est également l'anniversaire de ma maman. Ah ben, bon anniversaire maman, maman Roger. Si voilà. Vous me retrouvez peut-être le 21 avril, le 20 avril ou 21, je sais plus où, merde, je sais plus. Mika. On peut peut-être le retrouver le 20 avril quelque part. Pour la sortie de Brain. De Brain papier. Mais Mika, on se retrouve aussi pour ton anniversaire le 7, avril. À Vegan World, parce que moi je serai à Vegan World. Oh mon dieu, quel enfer. Non mais tu veux qu'on parle du véganisme un petit peu ? Absolument pas. On a plus le temps, Jacob. Écoute, mon émission est garantie avec de la viande et sans écriture inclusive. Ensuite, pour la World Music, juste après, on vous parlera donc du coup. Je vais notamment aux électropicales début mai au festival. Ça y est, il est parti là. Je vais censure. Je vais aux électropicales début mai à la Réunion. Fake news. Et on va donc travailler notamment sur la musique Maloya. Notamment. Ça y est, quant à moi, mon ami Loya qui m'a invité. Jacob. Donc, il y a une soirée électropicale en même temps le même soir à la Marbury le 31 également. Vous pourrez me retrouver également mercredi prochain à la Mais on se voit avant au 142 rue Montmartre. Voilà. Donc par contre. Vos acteurs chez Jacques. On s'en fout, on peut me retrouver. Voilà. Le veille de jour de fête, le dimanche, on sera toujours en after. Et nous ferons donc des photos pour préparer la prochaine émission. Quant à moi, vous pourrez me retrouver mercredi prochain à la Mécanique Ondulatoire, mais également sur Facebook, la page de Vaticool, Roger Delisle Vaticool, et celle du Pape du Cool. / Pape du Cool. Sur Twitter, @RogerDelisle, Instameuge, @RogerDelisle. Connectez-vous à mes réseaux sociaux parce que je balance une annonce incroyable vendredi. Roger, c'est la fin de cet épisode de Vaticool. On se retrouve plus tôt que prévu. Dire, c'est mon fantasme. Salut, c'est Macha. Voilà, c'est bon. Oui. Merci. C'est un vieux fantasme radiophonique, merci. Tout à fait. En parlant on a de le temps la pour un morceau après ou pas ? Non, on n'a pas le temps. Oui, non ? Salut, c'est Macha. D'accord, non, on n'a pas le temps pour un prochain morceau. Ce matin, un ami me parlait de va doudou, à qui on fait plein de bisous. Oui, parce que je pensais à la chatte, justement. Oui, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Et non, mais plein de bisous à Vava. Voilà. Merci, bravo. On pourrait passer un morceau de Vava. De Vava, voilà. Alors, non, parce qu'on n'en a pas dans la machine. Ok. On se retrouve maintenant avec Galop Salop. On continue sur la World Music. Donc, on va parler notamment de la musique Maloya. Il y a des festivals électropicales à la Réunion du 2 au 7 mai. Merde, il est déchaîné. Voilà. Voilà, c'est Jacob. Je suis Roger Delisle, le Pape du Cool. Et on a aussi l'émission quelques... s'appelle alors, Petit Cool. Non, avec les éveillés, on a aussi. Alors, ça, c'est très intéressant parce que maintenant, l'amour. Avec les éveillés, on fait différentes choses. Jacob, ça suffit, l'émission est finie. On a la fin du 824. Bah, mais sortez-le Mais évacuez-le. Bon, bah, salut tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Vous étiez neuf. Vous étiez vachement nombreux. À la folie de Brain Papier. En plus, on embrasse Anaïs de Brain. Gros bisous, Anaïs. Le podcast dès ce soir. Gros bisous au chien d'Anaïs, Alain. Très beau sur iTunes. Qu'elle a perdu, qu'elle a retrouvé d'ailleurs. Ah bon ? Cette histoire, ouais. Elle s'en fout, ouais. Ouais, elle a perdu son chien et elle l'a retrouvé. Perdu. Elle a perdu. Elle a perdu. Un dog-sitter qui s'était occupé de son chien et qui l'a perdu, mais genre à Gennevilliers ou un truc comme ça. Elle a passé. Mais du coup, comment ça se passe avec les dog-sitters? Ben, je sais pas, c'est un dog-sitter de merde. Ah, mais nous, moi, je connais un dog-sitter qui est très très intéressant. Il y a des reportages. Ah oui, on le connaît. Dédicace. JP. JP. C'est un JP. Tout à fait. Bois une bière, Jacob. Bois une bière. Non, j'ai tout arrêté, je buvais de la tourtelle. On est encore en direct là ou pas, non? On est complètement encore en direct. On est en direct alors, bon, pour la World Music. D'ailleurs, la jungle. Ah, dans deux semaines, la jungle. Non, avant, on se retrouvera avant. Comme ça, on se retrouvera. C'est binaire. Boum, boum, boum, boum, boum. Oh, yeah, Remagastar, oh, yeah. Fini ce stream ou non? Non, encore. Donc, pour l'agenda, nous avons encore l'agenda. Il n'y a plus rien.